L'actualité à Nancy et ailleurs. Les courses de Saint-Nicolas à Nancy reviennent cette année avec un tout nouveau parcours, un grand rendez-vous sportif, festif et convivial qui aura lieu le 30 novembre. Et pour cette édition, le diocèse de Nancy et Toul profite de l'événement pour lancer une action originale, courir au service du denier de l'Église. Agathe Braun, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de ressources et collecte de fonds. Alors pourquoi le diocèse simplement a souhaité s'associer à cette course populaire ? Alors c'était pour nous l'occasion de créer un événement un peu autour d'une collecte qui est un peu en baisse depuis plusieurs années et surtout de vivre un moment un peu fraternel et convivial avec les fidèles, avec les jeunes notamment, parce que forcément pour courir ça vise un public un peu jeune. Et voilà, de créer un événement autour du denier qui est quand même maintenant assez méconnu des plus jeunes. Et donc l'idée c'était de pouvoir leur donner une occasion de découvrir et de s'engager pour cette collecte. On va revenir justement sur la méthode de cette journée. Et c'est l'occasion, vous l'avez dit, de remettre un peu un coup de projecteur sur le denier de l'Église. C'est quoi le denier de l'Église ? Alors le denier de l'Église, c'est la principale ressource de l'Église catholique en Meurthe-et-Moselle. Ça couvre en fait la rémunération des prêtres, des salariés du diocèse et la formation des jeunes hommes qui se préparent à devenir prêtres. Eh bien, cette démarche originale, mettre ses baskets au service du denier, alors vous pouvez nous expliquer un peu comment ça va se passer ? Alors on a monté en fait deux types d'équipes, l'équipe des coureurs et l'équipe des supporters. L'idée c'est que chacun puisse, en fonction de ses capacités physiques, s'engager quand même dans l'événement. Les coureurs en fait s'engagent à porter le jour J un t-shirt qui sera estampillé denier et église catholique. Et en amont de la course, d'en parler autour d'eux, de dire à leur entourage qu'ils courent pour le denier et du coup de pouvoir collecter des fonds en amont en fait. Et les supporters, le jour J, eux, s'engagent à être présents pour encourager nos coureurs, pour les suivre tout au long du parcours. Et puis, il y aura un petit stand devant la cathédrale pour le ravitaillement des uns et des autres. Voilà, une course populaire qui rassemble petits et grands. Et avec donc ces deux contrats, contrat coureur, contrat supporter, il faut s'inscrire à l'avance. Comment ça se passe ? Parce que vous avez parlé d'un t-shirt à porter. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a un système d'inscription sur le site du diocèse de Nancy et Toul. Pour les coureurs, il faut s'inscrire en amont à la course pour avoir un dossard et être bien dans les clous et ensuite s'inscrire sur le site du diocèse pour donner sa taille de t-shirt et pouvoir être accueilli le jour J par notre équipe. Et c'est une première donc cette action alors ? Oui, tout à fait, c'est la première année. Alors comment c'est venu l'idée ? J'avais beaucoup vu de courses caritatives qui permettent de courir pour une association et je me suis dit on est une association, on vit de dons, pourquoi pas nous en fait ? Pourquoi est-ce que nous on s'engage pas de cette manière-là aussi ? Nos fidèles, ils ont aussi envie de se donner pour notre église, donc pourquoi pas leur offrir une occasion un peu différente de d'habitude. Et puis de créer aussi le dialogue, d'en parler justement autour de soi, c'est ça ? Exactement, l'idée c'est aussi que le t-shirt porté puisse interpeller les gens qui courent autour, qu'il puisse y avoir des échanges, alors plus ou moins essoufflés, ce sera... Bien sûr, on a le droit de marcher aussi. Hein, pendant Exactement. Ces cours. Donc c'est le 30 novembre, il y a une date limite pour s'inscrire ? Oui, pour nous sur le diocèse, pour rejoindre l'équipe, c'est jusqu'au 19 novembre. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du diocèse, catholique-nancy.fr. Il y a toutes les infos sur la course en une du site. Pour que cette journée soit une réussite, quel message vous aimeriez qu'il soit véhiculé lors de cette journée ? Je voudrais surtout qu'on puisse voir que les fidèles et que les jeunes s'engagent et courent pour l'Église en fait, que c'est pas quelque chose de caché, qu'on a envie de courir pour notre Église, de la faire vivre, et que ça passe aussi par la collecte financière, parce que il faut bien que vive notre Église. Merci beaucoup Agathe, rendez-vous que vous soyez supporter ou coureur le 30 novembre à Nancy, et n'hésitez pas à aller retrouver d'autres informations sur le www.catholique-nancy.fr. Merci beaucoup Agathe. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.